Et un fachou de merde. Un fachou de merde. T'allais te casser, saloperie de merde. T'allais même pas écouter FSB. T'allais pas écouter FSB. Tu voulais pas écouter FSB du disque. Merde de fac de merde. Putain de merde, big con de merde.